23.5, activation orale, prononciation, accent tonique, révision. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'accent tonique à l'intérieur d'un groupe rythmique. Il y a un léger accent tonique à la fin d'un groupe rythmique. Répétez les phrases suivantes en plaçant un léger accent tonique seulement à la fin du groupe. Elle m'a invité. Elle m'a invité à dîner. Elle m'a invité à dîner après-demain. Il voyage. Il voyage beaucoup. Il voyage beaucoup pour ses affaires. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai libre. Je ne sais pas si je serai libre demain.